Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver en ce deuxième jeudi du mois d'octobre pour cette nouvelle émission d'Éclat de lumière, l'émission du web magazine Lumière en art. L'automne est arrivé, ça y est, il fait gris, le ciel se couvre, mais nous sommes là avec toute l'équipe de Lumière en art pour vous proposer nos recommandations et nos interviews culturelles afin de vous réchauffer le cœur et l'esprit en cette période plutôt grisâtre. Avant de présenter nos invités du jour, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de nous suivre, notamment donc sur le site internet www.lumièreenart.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Lumière en art et Lumière en art officiel. Pour nos invités du jour, dans un premier temps, nous allons donc accueillir Jean-Christophe Herbstein, qui a travaillé à l'Est républicain de 1984 à 2009. Il a également publié deux ouvrages avant celui dont nous allons parler aujourd'hui, les deux tomes de Kaplan, Apprenti fait diversier pour le premier et La mer aux trousses pour le deuxième, qui raconte le métier de journaliste de presse écrite à l'âge d'or de la presse régionale. Il revient en cette rentrée littéraire 2024 avec un ouvrage singulier et détonnant, le Dico du Daron, qui répertorie et classe les expressions utilisées de nos jours dans la vie courante. Pour l'interviewer, je laisse maintenant place à Gilles et Aline. Ravi d'accueillir Jean-Christophe Herbstein pour le Dico du Daron. Et vraiment un coup de cœur exceptionnel. Tout est parti de nos lecteurs du magazine Lumière en art. Et voilà, donc on va faire un échange autour de ce livre, sachant que Jean-Christophe a, avec ce coup de cœur, a le trophée de l'excellence, de la créativité, de l'originalité pour Lumière en art et qu'il a eu récemment un joker à ce titre. Bonjour Jean-Christophe Herbstein. Bonjour, non jetez plus, là vous allez me faire rougir comme une pivoine, ça va être terrible. Mais il y a de quoi, que de flèches à votre arc Jean-Christophe. Le dico du daron est né comment? Parce que quand on écrit des romans, quand on est journaliste, qu'on écrit des romans et tout d'un coup on écrit le dico du daron. Mais je crois qu'il y a une vraie cohérence, un journaliste il écoute. Il écoute tout ce qui est autour de lui et j'ai écouté des jeunes, ce qu'on appelle maintenant des adolescents. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on connaît les adolescents. Et bien les jeunes, c'est les adolescents. Voilà, encore un petit néologisme derrière les fagots. Et donc je les ai écoutés, ils étaient dans mon bureau. Alors je travaillais à Métropole du Grand Nancy, on a dit que j'ai travaillé à l'Est républicain et j'ai changé de métier il y a 15 ans, il y a 16 ans, un nouveau métier, la communication, et il y a un tas de jeunes qui se sont succédés dans mon bureau. D'ailleurs, ils étaient bien, ils se marraient bien, on se marrait bien ensemble. Et de temps en temps, je les entendais, il y avait un mot qui jaillissait, un mot étonnant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, je leur ai demandé, ils me l'ont traduit, et je leur ai retraduit dans un langage assez soutenu, qui me venait spontanément, comme ça, qui venait de très loin, qui venait de ma mère, qui aimait bien le beau langage et passait son temps à me dire que j'avais un pauvre vocabulaire. Alors, je peux lui dire maintenant, elle n'est plus là, mais je peux lui dire non, je n'ai pas un pauvre vocabulaire, j'ai du vocabulaire. Et donc, à force, j'ai traduit et ça les faisait rire et on s'est pris au jeu ensemble. Et puis, un jour, c'est devenu un livre parce que là encore, j'ai fait une rencontre avec un éditeur qui a trouvé ça intéressant, qui m'a dit au téléphone, je peux avoir le livre quand? Je dis, peut-être pas tout de suite. Bah, attends un peu quand même, voilà. Et voilà comment est né le Dico du Daron, de rencontres. De rencontres avec des jeunes, donc ça donne naissance à ce fameux Dico, où environ 400 mots, c'est ça? Le choix oui, a été difficile. Oh, 400, alors oui, j'ai un... Alors, les jeunes dont je parle, moi j'aime les coopérations. Et on a eu une coopération ensemble. Ils se sont tellement pris au jeu qu'ils me ramenaient des mots. Et surtout, ça a été une espèce de petit comité éditorial donc de jeunes et qui étaient là à me dire ça non c'est peut-être pas terrible, ça se dit plus, ça t'as fait un contresens. Donc vraiment j'ai eu un vrai comité éditorial et tout comme journaliste j'ai vérifié mes sources sur internet, sur des réseaux sociaux, sur TikTok, j'ai écouté du rap à m'en crever le tympan, c'était génial. Toujours est-il que j'ai vérifié mes informations pour voir si ces mots étaient encore en vogue ou voilà. Donc si c'était sur TikTok, c'est que c'était en vogue. Parce que ces mots, finalement, vieillissent vite et mal. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais comme nous tous, nous vieillissons tous. Hein, ben les mots, pourquoi les mots ne vieilliraient pas? Effectivement, ils vieillissent. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tant... Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens depuis sur la place et ailleurs. Et les gens me disent, ouais, je vais enfin pouvoir comprendre. Eh bien, ce n'est pas ça. Vous allez pouvoir recréer du lien avec vos ados, ceux qui sont dans leur vie, les adolescents également, parce que finalement, on ne se comprend plus, on ne se parle plus. Et le fait d'avoir ce moyen un peu plaisant, sans prétention, permet finalement. Il y a même des gens qui me disent maintenant, au dîner, on sort le dico du daron et on se fait un petit jeu. Voilà, on se dit, alors ça veut dire quoi ça? Et tout le monde se marre, tout va bien. Ça évite de voir les assiettes volées ou autres rôties. Oui, les familles nancéennes, grandes nancéennes. Famille Jevouet, ne sont pas. Bazin. Absolument. Est-ce que ces mots-là sont du langage exclusivement oral? Est-ce que ce sont des mots qui s'écrivent? Non, il y a des mots qui s'écrivent, il y a des mots qui se disent, il y a des abréviations. Alors, on entend un tas de gens qui vont dire « Ouais, des abréviations, quelle horreur, ces jeunes, ils ne parlent qu'abréviations, etc. » Alors, je renvoie la faute un peu à Cicéron et autres Romains qui passaient leur temps à avoir des abréviations, SPQR, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on pourrait les blâmer. Même chose, alors, c'est des choses qui peuvent s'employer dans différents contextes. Il y a des choses à l'oral, il y a des choses à l'écrit, il y a des choses à l'oral et à l'écrit. Et ça aussi, ça évolue. Il y a plein de nuances, alors ce n'est pas 50 nuances de gris, c'est 50 nuances de mots, où suivant le contexte, suivant l'époque, il y a des mots qui se ringardisent. Par exemple, boomer, c'est vraiment dépassé. Mais ça s'emploie encore pour tacler quelqu'un, pour faire preuve d'ironie, ça s'emploie. Alors justement, l'ironie, le ton, est-ce que c'est aussi important quand on dit... Ah, quel idiot celui-ci, ça peut être sur le ton, il est vraiment bête comme alors un voilà, âne, ou alors quel, il est idiot tellement bolos, il est drôle. Voilà, quel bolos, qui est un abruti, un pénitent, voilà, si je pourrais le traduire. Donc un bolos, oui, ça peut se traduire, mais ça peut être tout à fait affectueux. Par exemple, le mot chacal, alors ça va encore évoluer, mais j'étais très surpris. Chacal, pour moi, c'est quelqu'un de très désagréable. Eh ben non! Chacal, ça peut être quelqu'un de très sympathique, ça peut être très affectueux. Wesh, chacal, c'est très bien et tout le monde est content. Donc finalement, le ton est important aussi. Ben évidemment. Et le regard et le sourire, ben comme celui que vous avez en coin. Oh, mais non, ça c'est un tic. Voilà, je voulais quand même rajouter un mot sur l'expression, donc le mot chacal. Selon les cultures, le chacal, c'est un animal très intelligent, très rusé. Exactement. Qui est même supérieur au renard. Oui. Dans les contes qu'on trouve ici, le chacal, c'est l'animal le plus rusé. Et ben voilà. Qui, en général, arrive à se nourrir auprès de l'homme et s'en va à la campagne. Maintenant, effectivement, les chacals, ils ont un concurrent qui est le chien. Parce que les habitants des environs, dans le nord de l'Afrique du Nord, il y a toujours des cambriolages. La période islamiste, il y a eu des assassinats, des règlements de compte. Donc, ils ont introduit le chien. Le chien qui est devenu un gardien des maisons, un gardien des villages. Il se trouve, quand ils n'en avaient plus besoin, ils les ont lâchés dans la nature. Et ça a créé des hordes. Et les chacals, qui étaient effectivement battus sur leur propre terrain, se sont retirés en haute montagne, maintenant deviennent de plus en plus rares, proches de l'homme. Quoi. Bah voilà, finalement, un chacal, c'est très sympathique. Et attention, c'est un chacal et des chacals, et non pas des chacos. On est bien d'accord. Merci Mouloud pour cette intervention. Ah oui, alors, j'en profite. Il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe ou du kabyle. Énormément dans le langage jeune. Énormément, et je peux vous dire que, alors je suis, grâce encore à une autre coopération avec une de ma fille cadette qui a 30 ans, qui est à Strasbourg, qui m'a mis sur TikTok, enfin moi je fais le crétin devant la caméra et elle met tout ça en scène. Chaque fois qu'on a mis un mot d'origine arabe, par exemple le seum, hein, qui veut dire venin ou miskine, on a eu des réactions tout à fait positives et sympathiques. Tout ça est passionnant. On avait une première pépite en Lorraine, c'était une sorte de dico du patois lorrain, déjà il y a quelques années, dans un autre registre, autre champ lexical. Et là, c'était des jeunes pépites. Là, on a vraiment quelque chose qu'on ne saurait trop vous recommander, parents, les jeunes, les étudiants, tout public, vraiment formidable pour tous les lecteurs. Notre nouvelle pépite de cette fin d'année 2024, c'est le dico du Daron. Exactement. Et n'hésitez pas, vous les jeunes, plus ou moins jeunes, on est tous jeunes ici autour de cette table, à l'offrir à votre daron, votre daronne, notamment au moment des fêtes de fin d'année, parce que c'est sympa. Et c'est aux éditions Christine Bonneton. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, oui. Ça se trouve par Internet. On le trouve comme on veut, on par le tous les moyens facilement, possibles. Facilement, je dois dire. Merci beaucoup Jean-Christophe Herbstein. On va mettre un tout petit peu de musique et on se retrouve juste après pour d'autres interviews. On va notamment recevoir le théâtre de la Foucotte et juste après un petit agenda culturel. Merci beaucoup. To the Hall of Mirrors, where he discovered the reflection of himself. Sometimes he saw his real face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass. De retour sur Fadjet. Donc on est avec nos nouveaux invités, donc du théâtre de la Foucotte, Jean-Baptiste Simon, président de l'association de la Foucotte, et Richard Franz, secrétaire donc du théâtre de la Foucotte, qui vont venir un petit peu nous parler du lieu, des activités de l'association, en compagnie de Gilles et de moi-même. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vais vous laisser dans un premier temps peut-être un petit peu présenter donc l'association de la Foucotte qui est donc un des théâtres de Nancy. Oui, alors l'association La Foucotte qui possède et gère le théâtre La Foucotte est une vieille association, on pourrait dire. Alors elle existait déjà à la toute fin du 19e siècle. Hein, il y a déjà des activités sur le lieu depuis 1876 à peu près. Je regarde Richard qui est un peu notre historien de l'association. Et tout ça s'est développé très rapidement avec une émulation autour de la jeunesse, particulièrement avec des activités d'aumônerie autour de l'école Saint-Sigisbert. Et puis dans les années 30, tout ça a été mis, on va dire, de façon un peu légale. L'association a décidé de... En tout cas, le groupe a décidé de se fonder en association en 1936. Et puis ils ont lancé la construction d'un grand bâtiment qu'on appelle la Nouvelle Foucotte, qui est le bâtiment actuel, donc situé aux 3 rues de la Foucotte à Nancy, au-dessus de la fac de lettres. Voilà. Et ce bâtiment est un lieu qui accueille depuis les années 30 du théâtre, des activités artistiques. Voilà, c'est un lieu qui se voulait à l'écoute et pour l'accueil de la jeunesse. Et puis, au fur et à mesure des années, il a dérivé vers un lieu de théâtre, de culture et centré sur l'accueil du théâtre amateur. Du théâtre amateur principalement, mais il existe aussi des spectacles de théâtre professionnel. Oui, il faut vivre. Donc, je comprends. Nous ne sommes qu'une petite association. Et de l'humour aussi. Oui, humour, comédie, voilà, beaucoup de choses. Donc on arrive à nos coups de cœur qui en fait sont assez passionnants parce qu'en discutant avec Richard il y a quelques jours, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'éléments à donner à nos lecteurs par rapport à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup d'informations encore sur lesquelles on doit communiquer par rapport à tous ces événements, parce que ce sont des spectacles passionnants et ça serait dommage que le public s'en prive, passe à côté. Et c'est la raison pour laquelle on voulait faire ce relais, cette passerelle avec ce que vous faites. Et vous allez peut-être plus précisément nous dire un peu ce qui est prévu, parce qu'il y a une riche programmation pour les semaines à venir. Richard, vas-y, parle-nous-en. Oui, effectivement, tout d'abord... Déjà, nous avions Rémi qui fait des comptines pour les enfants qui vient dès demain, mercredi à 10h pour les enfants de moins de 7 ans et leurs parents ou les accompagnants. Nous avons Cœur de scène production qui produit F Paradis jeudi à 20h. Et puis ensuite, on enchaîne avec notre fameuse programmation Foucault en scène. Les troisièmes vendredis de chaque mois avec une comédie de Fabrice Roger Lacan, La Porte d'à côté, vendredi 18 octobre à 21h. Et je tiens à porter l'attention sur cette série de Foucault en scène. Comme Jean-Baptiste vous l'a expliqué, le bâtiment a un certain âge et nous avons changé très récemment nos statuts pour que le public puisse devenir... membre partenaire en modestement adhérant à notre association à hauteur de 15 euros par an. Et cela peut donner donc le tarif réduit de toute la série Foucault en scène. Le but étant pour nous, association, d'arriver à plus de 200 adhérents afin de permettre à des mécènes de faire du rescrit fiscal et tout cela vis-à-vis de la réhabilitation, la création de commodités, la rénovation de la toiture de la Foucault. Oui, parce que comme on vous le disait, le bâtiment étant très ancien, il y a eu des travaux pendant quelques années, mais bon, voilà, l'association a eu l'aide de la ville de Nancy, des autorités locales pendant plusieurs années, l'aide aussi d'une autre association que les Nancéens connaissent bien, qui s'appelle le Théâtre de la Passion. Et en tant que président de la Foucault, je remercie le Théâtre de la Passion de toutes ces années où il s'est investi dans la vie de la Foucault et il lui a permis de vivre et de survivre, parce que dans les années 70, c'était pas simple, et heureusement que la passion était là. Puis maintenant que l'association La Foucault a repris la gestion pleine et entière de son bâtiment, bah elle doit faire face à tout ce que les propriétaires de bâtiments doivent faire, c'est-à-dire entretenir, pérenniser, moderniser. Et ça, c'est pas simple, parce que les normes changent vite. Et puis, le bâtiment est très grand. Et comme je disais, nous sommes une petite association qui a retrouvé la générosité des structures et des autorités locales. Donc, je remercie la ville de Nancy pour son soutien, le conseil départemental qui aussi nous accompagne dans des recherches et des démarches. Mais tout ça est long. Et nous ne sommes que des bénévoles. Je précise, c'est vraiment une association de bénévoles. Tout est fait intégralement, l'accueil des spectateurs, l'accueil des artistes, même la régie sans lumière, l'entretien, la mise en place de nouveaux matériels. Tout ça n'est fait que par des bénévoles. Et ces gens-là sont passionnés de théâtre. Ils sont tous. Nous avons tous un jour posé nos pieds sur les planches de la Foucault. C'est un lieu que nous adorons. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps. Et donc on sacrifie bien souvent nos congés, nos week-ends, notre temps libre, mais on le fait avec beaucoup d'amour pour cet endroit. Donc voilà, on essaye de le faire avancer. Petite association ne veut pas dire grand rêve. Et moi j'ai une petite question. qu'est-ce que vous rêveriez de jouer à la Foucotte? Oula. Alors ça dépend si vous vous adressez au président de l'association ou si vous vous adressez à l'acteur amateur. aux deux. Alors, moi personnellement, si c'est l'acteur amateur qui doit répondre, je rêverais de jouer Cyrano de Bergerac. Mais voilà, c'est un rêve, mais je ne prétends pas avoir suffisamment de talent pour jouer Cyrano de Bergerac. Sinon, en tant que président d'association, je vous dirais tous les spectacles qui peuvent faire que le public ait envie de venir à la Foucotte. C'est ça, en fait, notre but. Ce qu'on fait avec les bénévoles, c'est de leur donner envie de se dire « Tiens, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire ce soir. Ah oui, la Foucotte est là et on y voit des spectacles de qualité. » Sincèrement, voilà, en tant que président d'association, si j'avais un rêve, c'est que dans l'esprit des Nancéens, dans l'esprit des gens qui vivent sur l'ensemble de la métropole et même un peu plus loin, qu'ils se rappellent qu'il existe un lieu qui est différent des autres. La Foucotte est différente pour des tas de raisons, mais que dès que l'idée leur vient d'aller voir un spectacle amusant, un spectacle de qualité ou un lieu où on peut simplement passer un bon moment, et bah, la Foucotte soit dans leur esprit. Voilà, ça c'est peut-être vraiment le vrai rêve du président de l'association. Et vous, Richard? En ce qui me concerne, c'est clair. Moi, mon grand rêve de théâtre, c'est de réussir à monter la version La Folie des Grandeurs, le film de Gérard Houry avec Louis de Funès. Mais là, on va plutôt parler de Ruy Blas. Sur la base de Ruy Blas, mais moi, c'est l'adaptation de Gérard Houry qu'il a fait au cinéma. Et pour ce faire, j'ai déjà toute la scénographie en tête. Ce sont deux très beaux projets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit les réseaux sociaux, l'adresse même du théâtre? Alors, le théâtre est donc situé 3 rue de la Foucotte. Donc c'est un bâtiment qui est juste au-dessus du nouveau square Camille Cavier, que la ville de Nancy a réhabilité récemment, donc au-dessus de la fac de lettres. On pouvait nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Il y a une page Facebook, une page Instagram. Un site internet est en construction, mais c'est pas simple. On est en train de réfléchir sur comment on va le mettre en place. Mais peut-être que prochainement, il y aura un site internet. Mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter. Les réseaux sociaux, je répète souvent aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être abonné sur Facebook ou d'avoir un compte Instagram pour pouvoir regarder ces réseaux sociaux-là. Tout à fait. Donc, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, sinon, faut pas hésiter aussi à nous contacter ou à nous laisser un petit message dans la boîte à lettres et on essaye de répondre systématiquement. Merci beaucoup, messieurs. On va se quitter un petit instant pour mettre un petit peu de musique. Sofiane Pamar, Noche, et on se retrouve tout de suite pour l'agenda culturel de la semaine. Merci beaucoup. De retour sur Fadjet pour l'émission Éclat de Lumière. Je suis donc toujours avec Jean-Baptiste et Richard, donc du théâtre La Foucotte. Messieurs, il me semble que vous aviez envie de nous parler d'un spectacle pour finir. Eh bien oui, nous avons, donc, comme l'évoquait Richard, une programmation un peu spéciale à La Foucotte qui existe maintenant depuis 2 ans. Ce rendez-vous s'appelle Foucotte en scène. Il a lieu donc les 3e vendredi de chaque mois du mois d'octobre au mois de juin. Et le premier spectacle de cette série Et donc, le spectacle avec Séverine Warnez et Frédéric Sandeau, donc qui sont deux très bons acteurs et qui viennent interpréter une comédie qui s'appelle La Porte à Côté. C'est vraiment tendre, drôle, amusant. C'est une très jolie pièce. On est très content de les recevoir. Ils reviendront dans le courant de l'année, au mois de février, avec un autre spectacle. Mais voilà, en tout cas, si les gens ont envie de passer un excellent moment le vendredi 18 octobre, à 21h, qu'ils n'hésitent pas sur la page Hello Asso de notre association. Voilà, belle programmation. Lumière en art vous va encourager tous ses auditeurs, ses lecteurs à venir fréquenter, fidéliser cette salle pour ceux qui ne le sont pas à deux pas du campus Lettres à Nancy. Donc c'est très simple, très facile à trouver comme accès. Et puis très régulièrement sur les différents réseaux sociaux de Lumière en art et prochainement sur le magazine, vous aurez les petites informations pratiques sur chacun des événements et spectacles de La Foucotte, qui est un lieu que nous apprécions tout particulièrement. À présent, donc, nous allons passer à l'agenda culturel de cette deuxième quinzaine d'octobre et de ce début novembre. Et pour commencer, je crois, Mouloud, que tu avais envie de nous parler du Nancy Jazz Pulsation qui va commencer d'ici quelques jours. Bon, comme on est à l'heure de l'apéro jazz, hein, le festival est bien parti. Il va aller jusqu'au 19 octobre. Et comme c'est l'apéro jazz, je vais vous parler un petit peu, vous rappeler le programme des lieux des apéros. Donc le 10 octobre, vous pouvez aller chez Georgette, 60 rue Saint-Georges, et vous aurez un quartet sax du Grand Est. Et alors, vous avez aussi Iguazu, Patrice Lerèche, jazz brésilien. Alors, c'est le vendredi 11 dans la Cour des Arts. Et c'est un groupe du Grand Est. Audrey Pierre, le samedi 12 octobre, au Bertum, rue Stanislas. C'est du jazz vocal aussi du Grand Est. Geoffroy Sabatrio, lundi 14, à Ibis Steel, Nancy Gare. C'est du jazz classique, je crois, du Luxembourg. Michael Cuvillan Trio, mardi 15 octobre, au BAM Baramousse, 76 rue Saint-Georges. C'est aussi du jazz du Grand Est. Le Neve Arc Trio, mercredi 16 octobre, chez Simone, brasserie 5 rue Simone Veil. Bah, c'est près de la gare de Nancy et c'est toujours du Grand Est. Abakwa, alors 120 BPM, c'est la brasserie, je ne sais pas effectivement l'EPM, je ne me rappelle plus ce que ça signifie. Alors c'est jeudi 17 octobre, brasserie Saint-Georges, eh oui, voilà, rue Saint-Georges, c'est du jazz latin et c'est du Grand Est aussi. Le Rondo Hoffman Trio, vendredi 18 octobre au McCarthy, donc c'est le pub qui se trouve 6 rue Guerrier-Dumas, ancien Guérino. C'est du jazz manouche du Grand Est. Épo Africain, trio, samedi 19 octobre, au Royal, 22 rue Mont-Désert. C'est du world jazz et c'est du Grand Est aussi. Beaucoup d'événements et beaucoup de groupes locaux pour ce Nancy Jazz Pulsation. À noter que nous enregistrons cette émission légèrement en avance, donc il est probable que lorsque l'émission sera diffusée, le Nancy Jazz Pulsation aura déjà commencé. Je voulais juste revenir parce que cette année, le festival a une très belle programmation, une programmation très éclectique, où on va retrouver notamment du jazz, du hip-hop et également du rock avec des groupes donc comme les Stranglers, des artistes comme Hugo TSR ou encore Limsa Dolnay qui vont venir animer tout au long ces quelques semaines le Nancy Jazz Pulsation dans des lieux variés, puisque cette année donc l'ensemble des lieux culturels de Nancy sont concernés. Parmi les lieux, on peut compter notamment la Manufacture, le cinéma, la Pépinière, comme je l'ai dit. Le Nancy Jazz Pulsation comptera également beaucoup d'animations pour les enfants, ainsi que donc un spectacle très particulier au CCM qui s'appelle Rupture, qui va montrer en fait une machine d'une puissance ravageuse et qui donc sera l'un des grands événements de ces semaines au Nancy Jazz Pulsation, un événement très important qu'il ne faut pas rater à Nancy durant cet automne. Gilles, je crois que vous aviez envie de nous parler donc d'un événement à l'AXOU duquel Lumière est partenaire, si ce n'est plus. Oui, tout à fait. Alors, un grand événement pour 2024, à savoir une exposition de photos d'art. L'artiste que vous pourrez découvrir est Laurent Nambrini, pour une exposition intitulée « Portrait de scène », qui va commencer début novembre. Alors, le vernissage est le 8 novembre. Le lancement de l'exposition est dans la foulée le 9 novembre, pour une durée d'un mois. À la médiathèque de l'Axou, c'est un très joli partenariat avec la ville de l'Axou. Et Lumière avait eu un vrai coup de cœur à travers la rétrospective quand des membres de l'équipe de rédaction avaient découvert des photos de Laurent Nambrini, où on a effectivement un parcours formidable de tous les artistes sur des décennies qui sont passés en Grand Est. Ça touche effectivement le spectacle vivant, le cœur du théâtre, les formes animées, la marionnette, le masque, les artistes circassiens, les danseurs. C'est quelque chose de très chouette, une belle aventure à vivre, un voyage à découvrir, une exposition très originale. Et Lumière a eu tout de suite ce coup de cœur pour créer l'événement en proposant à Laurent Nambrini de venir proposer cette exposition à découvrir pour la première fois dans le Grand Nancy. C'est la première fois que Laurent Nambrini expose sur Nancy, alors qu'il est très connu par ailleurs en région Grand Est. Et on est très très content de cet événement. Et bien sûr, on aura l'occasion de l'interviewer prochainement et de vous reparler de cet événement, exposition photo d'art à la médiathèque de l'Axou, 8 novembre vernissage, 9 novembre lancement de l'exposition. Et nous espérons vous rencontrer très très nombreux. Merci beaucoup Gilles pour cette recommandation. Pour ma part, je désire vous parler d'un ouvrage, plus précisément d'une compilation, si l'on peut dire, qui s'intitule « Paris du jour et des nuits ». Il s'agit d'une compilation d'ouvrages qui regroupe 9 textes, 9 romans qui se situent à Paris et qui ont été publiés par le prix Goncourt et désormais prix Nobel Patrick Modiano. On y trouve également un texte inédit donc, qui s'appelle « Broussailles de la nuit » où il dialogue donc, avec ce photographe hongrois. C'est un très très bel ouvrage que l'on peut retrouver donc, aux éditions Gallimard. Il s'en va sans dire que Patrick Modiano est un des plus grands auteurs contemporains que nous puissions lire. Ces ouvrages sont absolument exceptionnels, notamment lorsqu'il évoque Paris en tant que personnage dans ce Paris après Seconde Guerre mondiale, où vraiment Paris apparaît comme quelque chose parfois de crépusculaire, la source de la nostalgie de ces personnages qui évoluent comme des personnages errants qui essayent de se souvenir de leur passé à travers des photos, des images, des flashbacks. Et donc c'est un ouvrage très important de cette rentrée littéraire et de cet automne que vous pourrez trouver notamment donc, au Hall du Livre, qui est également notre partenaire chez Lumière en Art. Et donc je vous le recommande assez fortement. Mouloud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ah, c'est juste rappeler les programmes de jazz, hein, c'est un peu répétitif. Hein, voilà, comme de toute façon l'enregistrement est fait un petit avant la fin du festival, donc il y a des dates qui ne peuvent ne pas correspondre. Mais une chose à rappeler, c'est que le concert de Véronique Sanson est à guichet fermé. Et pas uniquement, si je peux me permettre, puisque le concert, il me semble que c'est le concert introductif où Arthur Théboul sera présent. C'est le chanteur d'un très bon groupe de variété française et de pop française qui s'appelle Feu Chatterton. C'est un concert qui se déroule à la salle Poirel et c'est un autre concert qui affiche déjà complet dans ce Nancy Jazz. Ils vont en avoir au moins 3 d'ici cette semaine, je pense d'ici demain ou après-demain, il y en aura 3 ou 4 qui seront pleins. Donc il faut pas perdre son temps pour aller prendre ces billets. Hein. Surtout les soirées blues, les Stranglers, ça va être un peu difficile. Hein, déjà à l'annoncement de la plaquette, déjà Véronique Sanson, c'était déjà plein. Alors, c'est vrai. Je voulais aussi parler du jazz tour un petit peu. Hein, le jazz tour, c'est ce qui se passe en région, en périphérie. dans des tas de villes comme Longwy, comme Lunéville, Lanneville, Saint-Dizier, enfin il y a Jarny, Arouet, enfin bref. Donc voilà, c'est des groupes qui tournent sur plusieurs salles dans plusieurs villes. Donc il y a un groupe qui s'appelle Kobe. Et c'est du rock des USA, donc c'est vendredi 11 à la Neuville, dans la salle des fêtes. Bon, les tarifs, ils sont un petit peu à la portée de tous les porte-monnaies, hein, c'est 10 à 16 euros. Et il y a Joue avec Joub, samedi 12 octobre, 20h, espace Gérard Philippe à Jarny, c'est dans les 10 euros le concert, c'est à la portée de tout le monde. Le London Gospel, alors là c'est du gospel, c'est jeudi 10 octobre à 20h30, église Saint-Thérèse du Verbois à Saint-Dizier. Voilà, Saint-Dizier, à peu près 110-120 km. Même les anciens peuvent y aller, mais enfin il ferait mieux d'aller au chapiteau quand même ou à Poirel. Vendredi 11 octobre à 20h, c'est au centre, au centre social culturel de Golbey. Et l'entrée, bien sûr, est à 18 euros, donc ça doit être un concert de qualité. Hein. Samedi 12 octobre à 20h, dans l'espace Aimé Césaire, c'est à Mont-Saint-Martin, donc c'est dans le pays haut. Hein. Dimanche octobre à 20h, c'est la cathédrale Notre-Dame de Verdun. Voilà une ville qui est un peu moins accessible avec des transports en commun, mais on peut y aller en voiture. Il doit y avoir certainement du covoiturage et puis des bus par Blablacar, bus ou d'autres moyens. Lundi 14 octobre, donc c'est à 20h au centre culturel de Pulnois. Alors, il y a Cédric, donc là, c'est un autre jour. Hein. Cédric Burnside, blues, vendredi 11 octobre, 20h, centre Vax, je ne sais pas ce que c'est, à Pétange au Luxembourg. Hein. Dimanche 13 octobre, à 16h, c'est au château de Lunéville. Alors, ça doit être dans les 9, 12 et 16 euros, c'est pas très cher, c'est très abordable. Deli Tapa Prad Afrobeat, donc c'est mardi 15 octobre à 20h, espace Mix Age à Cutry. Alors là, Cutry, je ne sais pas où c'est. Voilà, je ne me suis pas documenté suffisamment avant. Favino Laurier Quartet, c'est du swing. Donc c'est le mercredi 16 octobre à 20h, espace Saint-Laurent, Pont-à-Mousson. C'est un groupe du Grand Est. Vendredi 18 octobre, 20h, c'est la salle des fêtes d'Aucourt, Moulaine, pareil, vous chercherez sur la carte, vous trouverez. Samedi 19 octobre, c'est le concert qui est la fin du festival, c'est la clôture le samedi 19. Donc à 20h, la salle Ernest Lambert Châtenois, c'est à Neufchâteau. Bon, 7, 9, 11 euros, c'est pas très cher pour de la bonne musique. Le Gris du Caire, alors, jazz oriental, mercredi 16 octobre, 20h, salle des fêtes Louis Aragon, Hussigny, avec Wajdi Rehmi Trio. Hugo Diaz, quartet jazz, jeudi 17 octobre, 20h, centre culturel de la ville d'Aubonge. Donc, je crois que c'est en Belgique. Nana Rachid, jazz vocal, jeudi 17 octobre, 20h30, cinéma Rio, Mirecourt. C'est entre 5 et 12 euros. Samedi 19 octobre, 20h, mairie de Longwy, salon Le Graal à Longwy. Suzanne aux yeux noirs. Ciné-concert Jazz Folk France, c'est dimanche 20 octobre, 16h, à l'Arche Villerue. Bon, pour le chapitre, on verra plus tard. Merci beaucoup, Mouloud. Avant de conclure cette émission avec une interview exceptionnelle de Nicolas Genot, j'aimerais vous laisser sur une dernière touche. À savoir, donc, pour terminer cet agenda culturel, vous évoquez les trois nouvelles expositions qui vont arriver prochainement à Nancy, au Musée des Beaux-Arts, puisque pour l'année photographique, c'est trois expositions qui vont être proposées. Donc autour de la thématique de la photographie, de l'histoire également de la photographie à Nancy, avec une première exposition qui s'intitule donc Cœur-Regard, qui va donc mettre en scène tout le domaine donc de la photographie à Nancy et dans ses alentours. La deuxième exposition s'intitule donc Prisonnier. Elle va revenir notamment sur l'histoire de la photographie au cours des années 1894 à 1913. Et la dernière exposition s'intitulera Pour amour de soi. C'est un projet photographique autour du village Partage, imaginé par Daniel Gaba avec Emmanuel Henry. Ces trois nouvelles donc, expositions s'inscrivent dans un contexte, celui donc de l'année photographique. Elles ne sont ancrées sous aucun prétexte à Nancy au Musée des Beaux-Arts et ça commence en cette toute fin octobre. J'ajouterais pour finir que le jardin éphémère est arrivé cette semaine à Nancy avec un très beau spectacle de drones. Ce jardin éphémère, il sera présent donc du 3 octobre, à l'heure où vous écoutez cette émission. Donc il est déjà en place sur la place Stanislas et se poursuit et sera visitable par tout le monde de manière gratuite jusqu'au 3 novembre de cette même année. Et pour finir, je voudrais juste ajouter, et c'est un petit peu personnel, mais j'ai beaucoup aimé la dernière exposition qui s'intitule « Voir le temps en couleur » au musée Pompidou à Metz, qui va revenir donc sur les défis, sur l'histoire et sur l'évolution technique de la photographie. C'est une exposition exceptionnelle qui rassemble de nombreux clichés, de nombreux ouvrages, de nombreux témoignages également autour de l'évolution technique de la photographie. C'est une exposition pour laquelle il ne faudra pas tarder puisque elle s'achève le 18 novembre au musée Pompidou. Je vais vous laisser à présent avec un petit peu de musique pour finir cette émission et vous laisser ensuite avec une très belle interview réalisée par Gilles et Aline concernant donc Nicolas Genot, puisque Lumière en art, c'est aussi mettre en valeur donc un certain art de vivre. Et donc là, on va évoquer notamment la bergamote et les macarons. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission, cette deuxième émission, donc Éclat de Lumière. On se retrouve le deuxième jeudi de novembre, toujours à la même heure, donc à 17h, sur Fadjet 94.2. On se laisse en musique, donc avec Duke Ellington, On a Sentimental Mood. C'était Éclat de Lumière, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Éclat de lumière sur Fadjet. Chers amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'accueillir un invité de marque. Il est l'homme qui est avec brio, anime, maestro de la maison des Sœurs Macaron. Et c'est Nicolas Génaud qui est un homme passionné, passionnant. C'est un créateur, on a la chance qu'il nous a accordé un petit peu de temps. Et il a été honoré il y a encore peu de temps du Joker d'or gourmand France, trophée de l'excellence sur différentes spécialités. Donc voilà, on sent que les fêtes sont encore loin, mais ça approche à grands pas. Et puis on tenait profiter de cette période de rentrée pour qu'il nous parle un petit peu de ses secrets. Alors il va vous emmener avec sa passion et son enthousiasme faire un petit voyage au temps de la Renaissance, puisque les macarons, voilà, enfin, il va nous en parler. C'est à moi d'intervenir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole et puis de votre invitation. Vous parliez, Gilles parlait de Renaissance. Oui, ça, c'est vraiment l'origine du macaron. Alors, pas du macaron de Nancy, du macaron tout court, parce que on sait que c'est les pâtissiers Florentin et Catherine de Médicis qui ont apporté ce délicieux gâteau à cette époque. Et puis ils l'ont un peu disséminé dans tous les couvents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs recettes. Alors là, je parle bien des macarons d'origine et authentiques, c'est-à-dire uniquement à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf. Et ben nous, à Nancy, on a hérité d'une des plus emblématiques recettes, parce que cette recette du macaron des sœurs, elle sort directement d'un couvent, et d'un couvent qui a été créé par la petite fille Catherine de Médicis. Donc on n'est pas très loin des Florentins. Et cette recette-là était faite au couvent par des sœurs converses, des sœurs bénédictines, et qui ce couvent était régi selon la règle de Saint-Benoît. Et cette règle de Saint-Benoît, l'une des règles, c'était de ne pas consommer de viande. Et c'est justement les amandes qu'apportaient les protéines nécessaires, je dirais, à la communauté. Donc et puis ce couvent, là je vois, on est en studio, là, il n'était pas très loin du studio, on pourrait presque voir le couvent, vous voyez, de l'endroit où on est. Et c'est vrai qu'à la suppression des congrégations religieuses, donc le couvent était à proximité de l'église Saint-Nicolas, et donc ces deux sœurs converses se réfugient au... à l'époque rue de la Hache, donc chez le médecin de la communauté. Puis c'est à partir de là que tout commence pour les macarons des sœurs de Nancy. C'est-à-dire que là, c'est le lancement de la maison, alors de manière modeste, mais qui très rapidement va s'avérer fructueuse, parce que pour subvenir à leurs besoins, elles utilisent cette recette, elles fabriquent cette recette, et qui était aujourd'hui clairement à l'origine des macarons de Nancy qui sont faits dans plusieurs pâtisseries. D'ailleurs, on en parle d'autant plus facilement que papa, nous, on a une famille, je dirais, depuis mes grands-parents, de boulangers-pâtissiers. On est arrivé à Nancy en 71 et pendant ayant exercé 20 ans de pâtisserie, papa faisait ses macarons à la pâtisserie. Mais il faisait les macarons de Nancy. J'ai une toute petite question qui, je suis sûre, intéresse nos auditeurs. Est-ce que la recette du macaron d'aujourd'hui que l'on achète dans la boutique est exactement la même que celle de sa naissance, il y a de ça Oui, alors ça, je ne vais pas mettre ma main à couper, hein, mais c'est vrai qu'historiquement, je pense qu'on y est proche, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été parfaitement respecté, c'est que c'est le chef d'entreprise qui fabrique uniquement cette recette. Donc, il y a déjà eu très peu d'évaporation, hein, parce que c'est resté quand même, ça n'a pas été divulgué, écrire c'était déjà divulgué, mais on l'a fait. Si vous voulez, cette recette, elle se transmet de la main à la main. Donc, et c'est uniquement les propriétaires des maisons qui s'y sont collés. Et voilà. Hein, Est-ce que ça veut dire que, comme la réputation de certaines grandes marques de produits alimentaires, vous n'avez pas le droit de prendre le même avion aux 3-4 détenteurs du secret en même temps pour justement le garder? Est-ce que ce fantasme existe ou est-ce que c'est vraiment du folklore? Le macaron nous occupe déjà tellement que l'avion, on ne le prend pas souvent. Ça, c'est excellent, déjà. Et puis, il n'y en a pas 3-4, il n'y en a qu'un seul. Donc, on va dire qu'il y en a au moins 2. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui travaillent. C'est une équipe à la Maison des Sœurs Macaron. Et il faut respecter. On ne peut pas non plus mettre tout dans les mains d'une seule personne. Donc voilà, mais ça reste ça reste très très très très secret. Ouais. Alors, on a envie de parler un petit peu aussi de la bergamote. Nancy, oui. La bergamote, la maison des sœurs Macaron, c'est assez original. La bergamote, là c'est pareil, c'est le deuxième produit emblématique, je dirais, de la maison. Alors là on a parlé de secret. De recettes secrètes de macarons, et là on va plutôt parler de label. Et parce que, effectivement, nous, avec le macaron, pas possible d'avoir un secret, parce qu'un secret, il ne faut pas le divulguer. Et un label, il est collectif. Donc là, on est 3 confiseurs nancéens, et plus un Vosgien à avoir, je dirais, persévéré pour obtenir ce label. Et là, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que la bergamote de Nancy a été la première et reste la seule confiserie à détenir le label européen IGP, Indication Géographique Protégée. Donc ça fixe déjà le parce que par rapport à toutes les contrefaçons qu'on peut voir aujourd'hui et tout ça, là, on a quand même une garantie. Avec ce label-là, une garantie à la fois de qualité de produit, de qualité d'emballage, et puis de qualité aussi d'essence, parce que le cœur de la bergamote, c'est l'essence de bergamote. Donc ça c'est... Et là par contre, on peut tout vous dire sur la bergamote de Nancy. Alors, pour s'acheminer un peu vers la fin de cet échange intéressant, qu'on pourrait poursuivre d'ailleurs très longtemps, une petite idée avant les fêtes de Saint-Nicolas, de suggestions, de spécialités, pour ceux qui connaissent la Maison des Sœurs Macaron, mais voilà, peut-être pour d'autres produits, d'autres propositions de ces gourmandises exquises. Oui, écoutez, il y a, à la rigueur, moi, ce qui me vient à l'idée pour les fêtes, ça fait déjà quelques années, mais il y a effectivement, si on parle de calendrier de l'Avent, ça fait quand même quelques années que ça a pris une ampleur, parce qu'on en trouve aujourd'hui sur beaucoup, beaucoup de produits. Et nous, si vous voulez, ce calendrier de l'Avent, on l'a personnalisé. Il est pas uniquement tourné vers Noël, mais on fait découvrir un parcours gourmand. C'est-à-dire à travers toutes les spécialités de la maison, c'est-à-dire c'est pas uniquement des chocolats, mais c'est alors il a une vraie spécificité, c'est déjà il met en lumière la Saint-Nicolas à travers les six premières cases qui vont jusqu'au 6 décembre. Donc on a des produits exclusivement réservés à la Saint-Nicolas. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve pas forcément sur d'autres calendriers. Et puis, on a une très grande variété de confiseries à travers les pâtes de fruits, les sucres Georges, en tout cas, le chocolat, en tout cas, les macarons, bien sûr, les bergamotes, on met tout ce qu'on sait faire de mieux à la Maison des Sœurs Macarons. Bien, alors une petite note musicale dans cette période pour être dans l'esprit du NJP. Roll ourselves over 'cause we're uncomfortable. Nicolas Génaud, j'ai une petite question qui va vous paraître sans doute saugrenue. Qu'est-ce que la bergamote ? Ben non, c'est une excellente question, parce qu'on nous la pose souvent. Et c'est vrai que tout le monde ne sait pas que c'est un agrume. C'est un agrume, et aujourd'hui, le bergamotier qui existait à l'état naturel, je dirais, maintenant a quasiment disparu. Mais ils ont trouvé le compromis en faisant un greffon de citronnier sur un orangé amer. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, ce greffage qui donne cette bergamote et voilà ce goût de bergamote et surtout ce fruit. Et c'est vrai que quand on veut définir le goût de la bergamote, on est à cheval effectivement entre tous ces agrumes et finalement c'est bien ça. Voilà, c'est on a l'amertume de l'orange et l'acidité aussi un peu du citron. On est un peu balancé, mais c'est ce qui apporte aussi une fraîcheur incomparable. Vous voyez, et j'ai changé avec des parce que le parfum, c'est intéressant aussi de discuter quelquefois avec des gens du parfum, parce que la première utilisation, c'est dans les parfums, parce que c'est un excellent fixateur de parfum. Et le plus qu'apporte, je posais la question à des gens de chez Guerlain, justement, et qui me disaient, mais je leur disais, mais qu'est-ce qu'apporte le plus l'essence de bergamote dans vos parfums ? Il est la fraîcheur, voilà. C'est la fraîcheur, l'association de ces deux fruits, c'est la fraîcheur. Très bien, en tout cas, nous on est fans. Et si je veux offrir ces fameux calendriers de l'Avent à toute ma famille, rappelez-moi, Nicolas, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut acheter ces bonbons et ces gâteaux ? Eh bien, écoutez, ça fait plus de 50 ans qu'on est installé au 21 rue Gambetta à Nancy. Et donc, vous pouvez le retrouver. Et puis, pour élargir un peu plus, ils sont en vente également sur notre site internet www.macaron-2-nancy.com. Voilà. Alors, un petit clin d'œil gourmand dans la période à venir, d'ici quelques semaines, probablement pour la prochaine émission. Une petite surprise indirecte, on va concocter une visite sur site, au laboratoire, à la Maison des Sœurs Macaron, et on va essayer de vous faire partager la fabrication, l'élaboration, la création du calendrier de l'Avent. Merci Nicolas Génaud. Merci à vous. Au revoir.